son mépris de la vie, sa sécurité. Quelques-uns des siens eurent l'impression que César ne voulait pas vivre davantage, et que cette indifférence, qui lui venait de sa mauvaise santé, lui avait fait mépriser les avertissements de la religion et les conseils de ses amis. Il en est aussi qui pensent que, rassuré par le dernier Senatus consulte et par le serment prêté à sa personne, il avait renvoyé une garde espagnole qui le suivait partout, l'épée à la main. D'autres, au contraire, lui prêtent cette pensée qu'il aimait mieux succomber une fois au complot de ses ennemis que de les craindre toujours. Selon d'autres encore, il avait coutume de dire que la République était plus intéressée que lui-même à sa conservation, qu'il avait acquis depuis longtemps assez de gloire et de puissance, mais que la République, s'il venait à périr, ne jouirait d'aucun repos et irait s'abîmer dans les effroyables maux des guerres civiles.